Thank you.

Thank you.

Et là, si la touche d'être venue, on va vous faire un autre morceau. Non ! On a quelques disques à vendre si ça vous branche. Bah, c'est une excellente soirée. Thank you. Thank you.